כולם תמם ולמר פטיט איל דה ויאן אין גרן דה ריביאר איל גוסירה איל גרנדירה איל נורא פשווה איל רנקונטררה איל סורמונטררה לזליה איל הולרון Disparaîtront les petits cailloux de son lit Mais ces plus grands, plus imposants Ne laisseront pas leur place dans sa vie La roche ne s'érode pas Et c'est toujours une seule fois N'importe quelle tempête la blessera Mais l'amour le fouet ne cédera pas La roche ne s'érode pas Elle est comme un boomerang La grande amitié ne s'amira pas Si elle s'éloigne, elle reviendra Avec les hommes Et fait oublier Plus d'une personne Qui se trompera Ne sera pas Pour autant loyal Qui tombera Et risquera De se noyer Qui présomptueuse Et prétentieuse Continuera mener sa guerre Avec mille sornettes Alors peut-être Elle gagnera une autre bataille Mais La roche ne s'érode pas Elle suit toujours une seule loi N'importe quelle tempête la baissera Mais l'amour de vrai ne cédera pas La roche ne s'érode pas Elle est comme un boomerang La grande amitié ne s'admira pas Si elle s'éloigne, elle reviendra La roche ne s'érode pas Mais encore plus fort, elle veut